19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'histoire aurait pu débuter en 1550 sous Charles Quint avec ce qu'il convient d'appeler la controverse de Valladolid, controverse durant laquelle le dominicain Bartolomé de las Casas n'eut de cesse de répondre à une question: les Indiens d'Amérique ont-ils une âme ? Hormis le plaisir de relire Jean-Claude Carrière, la question de cette humanité indienne n'est plus à l'ordre du jour depuis près de 5 siècles. Mais la controverse a juste changé d'acteur au travers d'une nouvelle question: qui fut le premier Amérindien et quand celui-ci foula-t-il le sol du continent américain ? La controverse n'est plus religieuse, mais désormais scientifique. Toutes deux sont toutefois animées par un même moteur, le prisme de l'ethnocentrisme. Ce que propose ce soir le magazine d'archéologie de France Culture, c'est de décrypter l'archéologie nord-américaine, ses enjeux, ses préjugés, son idéologie, avec Éric Boïda. Bonsoir. Bonsoir. Professeur à l'université de Paris-Nanterre, vous êtes l'incontournable spécialiste de la préhistoire ancienne en Europe, au Proche-Orient, en Chine. Parallèlement, vous dirigez actuellement une mission archéologique française au Brésil. Votre champ d'étude est donc à large spectre. Justement, dans toute sa diversité, l'archéologie est-elle un sport de combat ? Depuis une bonne vingtaine d'années, oui, l'archéologie a changé. Je dirais que ça dépend des périodes aussi et sur lesquelles on travaille, les périodes plus récentes ou les périodes plus anciennes. Les choses sont devenues maintenant, il y a de la confrontation. C'est idéologique, c'est clair, c'est clanique, des fois, ça n'a pas grand-chose à voir effectivement avec la science. Partons donc en Amérique. La thèse la plus acceptable par la communauté des anthropologues nord-américains est celle d'un peuplement vieux de, 13 000 ans, peut-être 17 000 ? Oui, vous savez, c'est en fonction de leur propre découverte et de l'équipe qui le découvre, on est passé de 13 000 à 17 000. Donc maintenant, le dogme, c'est 17 000. C'est eux qui ont décidé. Et en Amérique du Nord, la période dite de Clovis serait alors considérée comme la première culture américaine d'où seraient issus les ancêtres des Amérindiens ? Alors à la fois, il y a une dimension historique. C'est vrai que lorsque les premières recherches en préhistoire aux États-Unis, elles ont commencé par la découverte de ce fameux site de Clovis avec un enfant et puis des outils qui témoignaient d'une technologie très brillante. C'était des beaux objets, et donc tout de suite ça a attiré l'œil. Et à partir de là, les gens se sont vus dans cette technologie. Donc c'est pour ça que Clovis est devenu si important. Mais ce qui est très étonnant, c'est que quand on refait un peu l'histoire de la recherche, on voit très bien que jusque dans les années 60-50, les archéologues nord-américains, européens et sud-américains s'entendaient. Il y avait une espèce de communauté où chacun était content de la découverte de l'autre. Et il n'y avait pas d'idéologie. Et les gens allaient visiter les sites les uns des autres. Et à partir d'un certain moment, il y a eu un paradigme, un dogme. Donc tout ce qui était au-delà était faux. Voilà, je veux dire, c'était ça. Le dogme, c'est le phénomène du Clovis first, c'est bien ça ? Oui, alors c'est le Clovis first parce que donc il ne pouvait pas y avoir d'occupation de l'Amérique du Sud avant 13 000 ans. Voilà, ça c'était réglé. Bon, on pouvait le comprendre ils ont 50 ans ou 60 ans, mais maintenant, avec l'accumulation des faits, on se pose la question du pourquoi on n'arrive pas à dépasser. Alors bon, je vous dis, on a dépassé de 13 000 à 17 000, parce que globalement, ils nous ont donné l'autorisation de penser jusqu'à 17 000, mais on a énormément de formation qui va bien au-delà de 17 000. Donc la question, c'est pourquoi n'a-t-on pas le droit de penser une plus grande ancienneté en Amérique du Nord et du Sud. Alors, l'archéologie américaine est modélisante, elle crée des modèles, bien plus d'ailleurs que nous en France. C'est pour cette période, dite de Clovis, qu'une étonnante théorie avait été émise, celle selon laquelle les sociétés solutréennes françaises et cantabriques seraient à l'origine des paléo-indiens américains, ce que l'on a appelé d'ailleurs d'un beau nom, la French Connection. Tout ça était né parce que un chercheur avait trouvé sur la côte est des industries dont un objet emblématique, très beau, qu'on appelle une feuille de laurier, qui ressemble à de très beaux objets qu'on retrouve au Solutréen à 17 000 ans en Europe. Donc, comme la date de cet objet sur la côte est américaine était de 17 000 ans, une fraise américaine ressemble à une fraise française, donc effectivement la fraise américaine vient de la France. Ce n'est pas si simple que ça, et maintenant non, cette théorie est abandonnée. C'est Dennis Stanford, c'est ça ? Oui, Stanford, il y a Bradley dedans, ils sont un certain nombre. Des gens qui sont fort sympathiques par ailleurs, avec qui on peut discuter, mais quelque part, on discute, mais ça ne changera rien, quoi. Les trois passages reliant l'Amérique à l'Asie s'appellent la Béringie. Celui-ci s'ouvre et se ferme selon les pulsions, bien sûr, du climat. Un passage est possible durant la dernière glaciation, donc vers 15 000, mais peut-être aussi 23 15 000. La dernière glaciation qu'on a vécue a commencé à peu près à 75 000, elle s'est terminée à 15 000. Après, c'est comme un accordéon. Je veux dire, ce n'est pas une ligne plate. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait froid avec les mêmes températures pendant tout ce temps-là. Il y a eu des phénomènes de réchauffement, pas intenses, mais néanmoins des phénomènes de réchauffement et des phénomènes de refroidissement. Je vais prendre une image très simple, les gens vont comprendre. Vous essayez de faire des glaçons dans votre congélateur. Si, effectivement, vous ouvrez en permanence votre congélateur, la glace n'a pas le temps de se faire. Donc, vous n'aurez pas de glaçons. Si vous laissez du temps au froid, les glaçons vont se former. Et ben là, à l'Amérique du Nord, vous avez deux glaciers. L'un qui est le Groenland, l'autre qui est dans la cordillère des Andes. Quand il fait très, très, très, très froid, ils vont avancer et à un moment donné, ils vont ne faire plus qu'un. Et là, ils vont barrer le passage entre l'Alaska et les Grandes Plaines. Et quand il fait froid, mais pas assez froid, il va y avoir un grand passage, entre la côte Pacifique et le glacier des Laurentides. Le glacier de la Cordillère étant pratiquement à ce moment inexistant. Et même si on imaginait que le passage était fermé, il reste toujours la côte. Il reste toujours le cabotage. Et quand nos amis nord-américains, certains, parce que il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il y a quand même, on a des collègues nord-américains qui pensent comme nous, quand ils disent 17 000 ans, à un moment donné, il faut se poser la question, puisque la dernière période de la glaciation, c'est la plus intense. Donc, s'ils sont, et elle dure entre 25, globalement, et 12 000 ans. S'ils sont à 17 000 ans au Texas, il n'y avait pas de passage. Là, à moins de faire des glaciers. Justement, il faut s'imaginer des glaciers qui font 1 km, voire 4 km d'épaisseur. Quand même, on s'y aventure pas. Même les pingouins ne s'y aventurent pas. Donc, ils sont automatiquement venus par cabotage. Et donc, si on imagine qu'ils sont venus par cabotage pendant des conditions, climatiques terribles, parce qu'une, on imagine que, le petit glaciaire qui a eu lieu, il y a quelques siècles chez nous, où on disait s'il fait très très froid, vous imaginez, vous multipliez par 10 la température en période glaciaire. Donc, c'était quand même pas facile de faire le voyage. Eh ben, 600 à 17 000 au Texas, ils pouvaient, par bateau, arriver quand ils voulaient, d'autant plus que on sait très bien que les mers ont été traversées, que ce soit pour la fameuse Australie, mais aussi les Philippines. Et donc, en Australie, on est à 60 000, voire même un peu plus. Ce qui est très étonnant, c'est que tout est possible. Et pourquoi, à un moment donné, on nous empêche de penser les faits ? Parce que c'est ça, en fin de compte. On a la base de données, on a tous les éléments. Et pourquoi on n'a pas le droit d'aller au-delà ? Moi, je prends mon cas, quand je fouille un site qui correspond au dogme, on dit, il n'y a pas de problème. Et dès que je m'enfonce et que je trouve des industries plus anciennes, à ce moment-là, c'est comme si j'avais fumé, quelque part. C'est-à-dire que je devenais incompétent, je ne savais plus reconnaître les cailloux. Et donc, je trouve ça très inconvenant sur un plan déontologique. En tout cas, des passages de cette Béringie ont été aussi possibles bien avant. Mais bien sûr, c'est un accordéon. Alors quand vous avez un phénomène, les glaces c'est de l'eau, donc automatiquement, quand vous avez un phénomène de glaciation qui se développe, l'eau elle vient de la mer, donc le niveau de la mer baisse. Et pendant toute la période glaciaire, c'est-à-dire globalement entre 13 000 et aux alentours de 70 000, 75 000, le niveau de la mer a varié entre moins 40 et moins 120 mètres, ou 140 dans certains endroits. Et donc la Béringie, alors soit elle était totalement libérée des eaux, ou soit effectivement elle était dans la plus grande remontée des eaux, parce que c'est à peu près 40 mètres de profondeur, il y avait des îlots qui étaient très proches les uns des autres, et de toute façon on les voyait. Donc alors là, par cabotage, ça posait aucun problème. Donc il n'y a jamais eu de problème d'aller en Alaska. Le problème, c'était d'aller en Alaska, dans les plaines du Nord. Et comme ce fameux glacier, je veux dire, ben voilà, il allait pas jusque au Pacifique, ce fameux glacier des Laurentides sur la côte Pacifique, et ben les gars ont pu y passer, voilà. Alors à un moment donné, vous fermez le passage, c'est comme un passage à niveau, vous passez pas, le passage ouvert, vous passez. Et donc des migrations, il y a pu y en avoir depuis des milliers d'années, puisque en Asie de l'Est, c'est-à-dire aussi bien donc en Sibérie ou plus en Chine, pour donner les noms des pays, on a des Homo sapiens, je veux dire, qui sont pratiquement là depuis 100 000 ans. Par contre, il y a un élément absolument extraordinaire, c'est que il y a, alors là, une adéquation biologico-culturelle qui pourrit le dialogue. C'est-à-dire que globalement, si vous êtes sapiens, vous devez faire ça. Ce qui a posé un problème, parce que nos amis aborigènes ne faisaient pas ce que les Occidentaux faisaient. Et pourtant, ils étaient des Homo sapiens. Donc, on imagine que si l'Amérique a été conquise, il fallait être puissant sur un plan technique, il fallait avoir une capacité cognitive importante, donc ça ne pouvait être qu'Homo sapiens. À la limite, pourquoi pas? D'ailleurs, les Homo sapiens, on les a pu appeler Homo sapiens, on les a appelés hommes modernes. Ah! C'est-à-dire que ça, c'est nouveau, ça. C'est-à-dire que, donc, si on a dit moderne, il y a non moderne et post-moderne. À un moment donné, il va falloir qu'on se mette d'accord. Donc, on voit bien que, à un moment donné, les chercheurs américains se sont dit, l'Amérique n'a pu être conquise qu'avec une technologie performante par l'homme moderne. Voilà. Et là, tout est dit. Technologie performante, homme moderne. Donc, tout ce qui est pas moderne comme technique, alors moi, je demande à ce qu'on me définisse ce qui est moderne et ce qui n'est pas moderne, automatiquement n'a pas lieu d'exister. Et donc, c'est là où on a quelque chose de schizophrénique. C'est que des vestiges que vous trouveriez en France, en Afrique, au Proche-Orient, en Inde, en Chine, partout, tous les archéologues vous diront « Ah ouais, c'est génial, nanana ». Vous prenez les mêmes, vous allez en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, ça ne doit pas exister, donc ça n'existe pas, donc c'est pas le fait humain. Et là, on n'est plus dans un raisonnement scientifique. Et c'est là où on se dit, on est dans une idéologie. Justement, on va prendre un exemple, Éric Boïda. L'été a été ponctué par une nouvelle découverte, bien plus ancienne que 17 000, c'est d'ailleurs pas la première. Une découverte dans une grotte mexicaine, Chiquihuite, et qui a d'ailleurs été publiée dans Nature, une revue anglaise et non pas américaine. Que représente cette découverte pour vous ? Ah bah, déjà que vous soulignez qu'elle est anglaise et pas américaine, à mon sens, cet élément est très important. Elle est européenne, elle est anglaise, mais néanmoins fait partie de l'Europe. Toutes les publications sur ces routes les premières découvertes en 130 000 ans en Californie, c'est Nature. Les découvertes de Capivara, sur lesquelles on va peut-être revenir, c'est Nature. Voilà, ça n'a jamais été science ou scientiste, hein. Je veux dire, ça, c'est à peu près clair. Ou alors, quand ils font des articles, c'est globalement pour démolir ou dire, oui, il y a un gros doute et ainsi de suite. Donc, je pense que le problème de cette grotte, Chiquihuite, c'est bon, je connais le fouilleur, c'est un jeune fouilleur mexicain qui fouille comme tout le monde. Je veux dire, il a appris avec l'école occidentale, mexicaine, parce que les Mexicains savent fouiller quand même. Et puis c'est des gens qui lisent beaucoup. Et bon, ben voilà, je veux dire, c'est comme si vous fouillez le Jriote, hein. Il a trouvé une stratigraphie, des éléments, il a regardé si les niveaux étaient perturbés, pas perturbés, et puis il a fait une analyse technique, il a recherché de l'ADN, il avait des ossements, il a recherché des cotes marques. Alors on lui a dit, ah, mais vous n'avez pas de foyer. Moi, j'ai fouillé un site pendant 20 ans, sur pratiquement 20 mètres d'épaisseur, plus de 170 couches archéologiques, je n'ai jamais trouvé un seul foyer. Donc, j'ai pas lui jeté la pierre. Et les cailloux, c'est classique, je veux dire, à la limite, on va pas en discuter. La base, 31 000, 33 000 même, avant notre ère? Oui, à peu près. Je veux dire, après, vous avez, disons, la fluctuation au niveau de la date, comme c'est du C14, disons, si on dit 30 000, voilà. Alors pourquoi une partie de l'école nord-américaine ne voit pas la main de l'homme au travers de ses outils? Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué, ça dépend de la revue et des revueurs. Voilà. C'est pas compliqué. Alors les revieweurs, ce sont les chercheurs qui relisent le papier et qui l'acceptent ou qui le refusent, c'est bien ça ? C'est bien ça. Des pairs. Voilà, l'éditeur, lui, ne prend pas le risque, parce qu'il n'est pas forcément spécialiste, et donc il va soumettre ça à des personnes. Et quand vous avez le retour, puisque les gens qui écrivent ont le retour des revieweurs, et donc quand vous lisez les critiques qui sont faites par les revieweurs, vous dites, soit l'éditeur s'est trompé, ou soit il a voulu dégommer l'article. Voilà. Si vous mettez quelqu'un qui a mal aux dents, si vous l'envoyez chez un gastro-entérologue, ça, c'est à peu près certain qu'il va continuer à avoir mal aux dents. Donc là, il y a une politique éditoriale. Partons au Brésil, dans la Sierra da Capivara, où Niet Guidon, il y a déjà très longtemps, dans les années 80, avait trouvé des industries et des dates très anciennes. Oui, oui, Nied avait... c'est une aventurière, hein, dans le sens politique du terme, hein, pas dans le sens d'Indiana Jones. Il y a un film qui a été fait d'ailleurs par les Brésiliens sur elle. Et on a d'anciens documents donc concernant les conditions de découverte, de fouilles, de travail. Je veux dire, c'est absolument fou, quoi. Je veux dire, c'est Indiana Jones à côté, c'est quatre étoiles. Hein. Et donc, cette femme a trouvé un site... Elle n'était pas spécialiste des périodes anciennes, parce qu'à la limite, c'était pas, elle n'était pas pêche au trésor à ce niveau-là. Elle travaillait sur les peintures. Puis comme elle avait travaillé avec le roi Gouran et puis l'école française, puisqu'elle a été formée en France, bon, ben on apprend, on descend, hein, je veux dire, on fouille, on descend, et puis on va jusqu'au bedrock, c'est-à-dire on va jusqu'à la surface naturelle, tertiaire, je veux dire, donc des niveaux où on est sûr que l'homme n'a pas existé. Et elle est descendue dans un site qui s'appelle Boqueiro da Pedra Furada, et puis, comme tout archéologue, vous avez des charbons, vous les donnez à vos collègues dateurs, et puis 8 000, 10 000, 12 000, 16 000, 20 000, 24 000, 30 000, 32 000, 34 000, et puis jusqu'à 40 000, parce que la méthode d'adaptation ne permettait pas d'aller plus loin. Et moi, je suis en train de reprendre ce site et on a les mêmes datations. Donc, je veux dire que, voilà. Il y a eu cette publication dans Nature. Voilà, ça a été la première publication qui est bien passée. Et il a fallu attendre les années 95 où Nied a voulu inviter des chercheurs nord-américains qui avaient trouvé des sites anciens. Donc, elle a fait ce colloque. Et là, ça a été complètement surréaliste. Et je me souviens très bien, il y a l'un des auteurs, moi j'ai connu le géologue qui travaillait avec l'une de ces personnes. Il m'avait dit, ce qui a été sidérant dans les années 80, c'est que tous les fouilleurs, excepté Nied Guidon, qui avaient trouvé des sites anciens, en fin de compte étaient martyrs chez eux et assassins pour les autres. Donc on voit que il y avait même pas, je sais pas ce qui s'est passé dans les années 80-90. C'est-à-dire même ceux qui trouvaient des sites anciens, eh ben ils attaquaient le collègue qui avait trouvé aussi un site ancien. Une sorte d'éthologie humaine ou animale? Ah oui, là je veux dire que là bon on rentre dans de l'anthropologie et là c'est un sujet qui me passionne. Effectivement, je dirais en d'autres termes qu'il y a une certaine instabilité du comportement. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Éric Boéda, le phénomène d'ancienneté est donc une réalité, mais il fallait le démontrer à une échelle plus vaste. C'est justement ce que vous avez fait. Oui, parce que en fin de compte, toutes les découvertes, vous savez, la doxa était très importante. Hein. Donc, pour fouiller, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut le demander à des fondations. Et donc là, on peut tout de suite dire que le système anglo-saxon, en tout cas nord-américain, n'est pas du tout le même système français. En France, nous avons le ministère des Affaires extérieures qui a une politique d'archéologie. Des affaires étrangères. Des affaires étrangères, oui, c'est le nouveau terme. Européenne, voilà. Le MEAE, c'est de la diplomatie scientifique. Et là, en fonction du programme, on travaille en collaboration. On collabore avec nos collègues locaux. Et donc, ce n'est pas un projet français à l'extérieur. Et donc, on peut travailler 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. On a la temporalité. Les anglo-saxons, eux, travaillent en fonction de fondations. Et je dirais qu'il faut pratiquement avoir le résultat avant de poser le problème, parce qu'autrement, on n'a pas l'argent. Et c'est uniquement pour une durée de 3 ans. Donc à partir de là, il va y avoir une politique complètement différente. Et les gens ont commencé à fouiller des sites relativement récents et puis en adoptant la technique de tous les préhistoriens, en descendant, boum, ils tombent sur des sites qui sont plus vieux. Et à partir de là, c'était très au hasard. Donc on avait un site par là, un site par là. Et quand vous voyez le continent sud-américain, en particulier, voire nord-américain, c'est très, très épars. Et les gens disaient, mais vous voyez, vous avez trop peu de sites pour quand même pour, c'est pas possible, je veux dire. Et nous, on a décidé de prendre le problème sur un plan démographique. On s'est dit, si ils sont là, on va prendre un territoire limité dans l'espace. Donc, ce sera pas le syndrome de Robinson Crusoe. On doit retrouver plusieurs sites, une période d'occupation à un temps donné sur un large espace, dans des conditions environnementales et sédimentaires différentes. Et on voit sur un plan diachronique, c'est-à-dire sur le temps, s'ils sont présents ou pas présents. On a fait des prospections, on a fouillé, on a trouvé 10 sites, on en a fouillé, sur les 10 sites, il y en a 8 qui ont présenté des séquences qui allaient de 10 000 ans et jusqu'à 40, voire même plus pour certains d'entre eux, et que chaque site, donc tous ces sites, ont au moins un minimum de 14 couches archéologiques. Donc, il ne faut pas dire un site. C'est un site, c'est 14 couches archéologiques, il y en a un autre, il y en a 32. Donc, quand on multiplie la totalité, c'est-à-dire qu'on a dépassé la centaine de couches archéologiques. D'occupation. Oui, couches archéologiques et occupation humaine. Et donc, je veux dire, on bat le record. Je veux dire, là, on devrait être dans le livre des records. Mais malgré cela, Ça passe pas. Alors au début, moi, ça m'inquiétait un petit peu, parce que je me disais, bon, peut-être que quelque part, ça vient de moi. Et puis, bon, j'ai très vite compris qu'en fin de compte, il fallait passer outre, quoi. Parce qu'il y avait un problème, les Frenchies, quelque part, ça gênait un petit peu. Et la politique de la France, je veux dire, gênait. Je veux dire que, voilà, Tocqueville et Lafayette, c'était il y a longtemps, quoi. Nous avons affaire à une colonisation ancienne, donc assurée à 40 000. On pourrait même peut-être aller un peu au-delà. 80 000, ça pourrait être envisageable? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait envisageable. De toute façon, ça trouver, mais... Disons qu'il y a deux indices. Il y a d'abord, Niette Guidon, sur le site de Pedraforada, elle a continué à fouiller, mais comme la méthode carbone 14, à l'époque, ne permettait pas d'aller au niveau de 40, elle ne pouvait pas dater ses couches anciennes. Et dizaines d'années plus tard, il y a des nouvelles méthodes radiométriques, comme la thermoluminescence, bon, bref, je ne rentre pas dans le détail, qui permettaient d'aller jusqu'à 200 000 ans. Et elle a fait dater certains objets qui avaient été brûlés et qui ont donné 100 000 ans. Bon, mais comme c'était des objets, elle ne fouillait plus, donc c'est pour ça qu'on a repris la séquence. C'est-à-dire que là, on essaye de descendre pour avoir la séquence complète et refaire des datations radiométriques. Et puis, nos amis, moi, Steven Olson, je dirais, de San Diego, a fouillé un site qui s'appelle Cerruti. Et il a fait des centaines de datations. Et il a demandé à tout le monde, bref. Et oui, ben voilà, c'est 130 000 ans. Et même si c'est pas 130 000 ans, c'est plus vieux que 70 000 ans. Alors pourquoi? Parce que la datation directe sur le matériel osseux donne 130 000 et que le sédiment qui recouvre ce matériel osseux, il date au plus jeune de 70 000 ans. Donc de toute façon, oui, vous avez raison, évidemment. Simplement maintenant, la politique, c'est d'aller chercher les sites. Ces découvertes, vos découvertes, ont-elles été contestées par l'école américaine? Disons, l'école américaine, c'est un terme très vaste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le système américain fonctionne, il n'est pas du tout centralisé, c'est pas du tout un monde jacobin. C'est des universités. Vous avez des universités très riches, très puissantes, et là, vous avez ce qu'on appelle, je veux dire, le mandarin. Je veux dire que là, c'est absolument clair. Et vous pouvez rien faire si le mandarin n'est pas d'accord. Alors, il y a des mandarins que j'ai connus, bon, qui s'intéresse pas directement à ces périodes-là, et puis qui voit le matériel, dit, oh, t'as raison, je veux dire que bon. Mais ceux qui s'intéressent à ces périodes, je veux dire, ils sont violents. Vous a-t-on dit que vos industries étaient le produit de petits singes, le capucin, le sapajus libidonosus? Oui, alors petit singe que l'on connaît très bien, parce que c'est globalement sous la forme de macaque, et on fouille avec lui. Je veux dire que le macaque nous connaît et on connaît le macaque. Donc, et je me suis pas battu physiquement avec des macaques, mais des fois, nous jouons avec certains macaques le rôle du mâle alpha. C'est-à-dire qu'ils viennent nous piller, hein. Je veux dire que, et toutes les études éthologiques qui ont été faites, je veux dire, c'est pas des études éthologiques à la japonaise où le singe n'a jamais vu l'homme. Là, les singes vous voient, donc je veux dire que c'est de là une éthologie, qui, sur un plan déontologique, est un peu spéciale. Et effectivement, alors là, ça a été publié dans Nature, et bon, ça, je me suis permis quand même de le dire. C'est très limite. C'est très, très limite. Parce que, ils sont partis du principe que, bon, c'était pas taillé par l'homme. Donc, c'était taillé par qui? Alors, on a essayé la nature. Hein, le caillou, il tombe, il rebondit 20 fois, et puis il y a 20 éclats. Personne n'a jamais vu ça, mais pour eux, ils l'imaginent. Et à un moment donné, ils sont allés filmer. Donc, c'était des éthologues. Ils faisaient des expériences avec du miel, le bâton, le truc absolument classique. Et puis, à un moment donné, ils ont vu des capucins. Ils étaient sur un site. C'était sur un site archéologique avec des gravures rupestres où Jeannette Guidon a fait des fouilles, où on sait qu'il y a des niveaux archéologiques. Mais il y avait des capucins, il y en a partout là-bas, donc qui commençaient à taper sur des cailloux avec d'autres cailloux. Et quand on passe au ralenti le film, on voit bien qu'ils lèchent. Bon, c'est assez classique, comme les animaux lèchent le sel, récupèrent du sel. Et donc ils lèchent. Et nos amis ont fouillé là où étaient les capucins. Et ils ont trouvé des sites archéologiques. Ben, ils ont trouvé des objets taillés, voire même des objets que n'ont jamais fait les singes. Mais comme les singes vivaient en haut... 3000 ans plus tard, à un moment donné, on a dit que c'est l'endroit où les singes vivaient, quoi. Mais l'article, quand même, finit par une phrase en disant « Ils taillent des artefacts, mais on ne sait pas pourquoi ils les taillent ». Bah oui, on ne sait pas pourquoi ils les taillent, parce qu'ils ne les taillent pas. Pour reprendre le livre de Todorov, la conquête de l'Amérique, c'est la question de l'autre. Or, justement, les enjeux ne permettent pas de penser l'existence de l'autre, des autres. Ben justement, je pense que c'est là où, à un moment donné, un peu de philosophie fera du bien. Et puis, de relire Lévinas aussi, ça ferait du bien. Parce que il y a l'autre, penser. Alors, penser l'autre, on peut pas penser l'autre si on part pas de soi-même. Hein. Je veux dire que ça, c'est impossible. Et donc, l'autre, c'est qui? C'est un autre moi ou c'est un autre que moi? Si c'est un autre moi, ben je veux dire, automatiquement, je vais chercher en lui, effectivement, des caractères qui me ressemblent ou qui dérivent de moi. Mais si c'est un autre que moi, à ce moment-là, je vais chercher des caractères qui le définissent. Et je me sépare. Je me sépare de lui. Et ça, c'est une démarche, je veux dire, épistémologiquement parlant, je veux dire, qui est fondamentale. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand ils disent que les individus, les premières colonisations datent de 13 000 ans, c'est des autres nous. Oui, c'est des hommes modernes. Donc c'est des autres nous. Mais les autres qui étaient avant 13 000 ans, comme on n'a pas retrouvé d'individus, donc soit ça n'existe pas, soit on les considère comme des autres que nous. Eric Boyda, pourquoi ce quasi-consensus chez les chercheurs nord-américains? Sommes-nous sur un dogme au cœur de l'idéologie américaine? Oh ben je crois que là il y a effectivement ça va très loin. Je veux dire, il faut c'est une préhistoire qui est récente. Il faut introduire l'histoire récente américaine et de l'Amérique du Nord vis-à-vis de l'Amérique du Sud. Là, c'est évident que les grands phénomènes, bon, je veux dire, les dictatures qui ont eu lieu, je veux dire, ça n'a pas été que sur un plan financier ni sur un plan militaire, ça a été aussi sur un plan culturel. Donc, beaucoup de chercheurs sud-américains ont été formés aux États-Unis, et ça permet effectivement, une fois qu'ils sont revenus chez eux, ils ont eu des postes, et donc ils ont maillé culturellement donc il y a une espèce d'impérialisme, et c'est très difficile, je veux dire, de la part de nos collègues sud-américains d'en sortir. Et là où c'est très intéressant, c'est ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui avaient le plus de contact avec l'Europe, c'est-à-dire globalement le Brésil. Nous voici désormais, Eric Boyda, sur une archéologie spectacle. L'archéologie, c'est aussi celle des winners, des chercheurs des USA, de l'Europe, du monde, sont rentrés dans une sorte de frénésie, une compétition dans les meilleures revues, le fameux impact factor. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais, par exemple, vous reprenez dans Chiquiwite, dans l'article de Nature dans Chiquiwite, il a gommé, effectivement, tout ce qui était science humaine pour ne parler que de la science exacte, pour être sûr de passer dans Nature. Donc, pour passer dans Nature, on oublie l'homme. On va parler du sédiment, on va parler des datations, et on oublie l'homme. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui détermine l'homme? C'est pas les datations. C'est pas le fait, effectivement, qu'il y ait du sédiment. C'est le fait qu'il y ait des cailloux. Or, les cailloux, je veux dire, on donne à un revueur qui ne sait pas lire un caillou, on lui demande son avis. Donc, il dit, c'est pas taillé. Heureusement, je veux dire, il est quand même passé cet article. Donc, on voit que là, il y a un dysfonctionnement total. Je veux dire, si quelqu'un a la solution, je suis preneur. Eric Boyda, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Mercher, et bien sûr, avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, place à la dame d'Elche, Belle Celtibère.